Avant de passer à la période de questions, je voulais vous souligner que le prochain séminaire de Daniel se tiendra le 22 et 23 septembre, donc c'est la semaine prochaine. Les places étant limitées à 12 personnes, ceux qui sont intéressés à s'inscrire, ben, vous pouvez voir à l'accueil ou appeler Michel pendant la semaine. Première question. Les Amérindiens Mohawks sont-ils les chevaliers du Temple qui ont traversé l'océan afin de préserver le Graal ou la descendance du Christ? Bon, premièrement, la personne, elle a quand même déjà de l'information privilégiée. C'est illégal. Non, les Mohawks, les Iroquois, ne sont pas ses descendants. Par contre, les Iroquois, les Mohawks, ont côtoyé des personnages qui ont accompagné les représentants du temple lorsque ceux-ci ont amené la plus grosse partie de leur trésor dans les montagnes Chic-Choc et le Graal, la coupe. Maintenant, ouais, fait que donc, effectivement, les Mohawks ont côtoyé, et ils ont côtoyé surtout des personnages qui, à l'époque, étaient reliés à la franc-maçonnerie. Alors, il y a encore, et il y a eu à l'époque de la conquête, des Mohawks, des Indiens Mohawks de Kanawagé, qui, eux, étaient francs-maçons. Et dans l'histoire du Québec, on relate surtout une anecdote où on a justement un général d'une armée anglaise qui était fait prisonnier par les Indiens de Kanawagé. Et alors qu'on s'apprêtait à mettre le feu au général en question sur un bûcher parce qu'on les faisait souffrir, on offrait ça aux dieux. Ça nourrit très bien d'ailleurs le monde de la mort. Et le bonhomme a levé ses mains dans un signe typiquement franc-maçon, par habitude. Et un des chefs Mohawks de Kanawagé est un franc-maçon. Il avait été éduqué par des francs-maçons. Il avait d'ailleurs même déjà été en Europe. Ben, l'a libéré et l'a remis aux mains des Anglais sur une frontière un peu plus loin. Alors, dans sa question ici, il y a des choses qui vont loin, là, si on en parle, mais effectivement, ils ont eu des contacts. Ils ne sont pas la réincarnation de ces personnages-là. Mais ils ont eu des contacts, ils ont nécessairement réincarné un peu par imprégnation. Présentement, les Mohawks d'aujourd'hui réincarnent leurs ancêtres, comme d'ailleurs la majorité de l'humanité le fait. Et à l'intérieur de ces Mohawks-là, bien évidemment, les Mohawks, les Iroquois ont toujours été un peuple assez guerrier. Et ça grouille un peu. C'est sûr qu'une grande partie du peuple Mohawk est déjà réincarnée dans les Québécois blancs. On a un peu tous du sang indien. Donc, on réincarne un peu du Mohawk, eux réincarnent un peu du blanc aussi, ça pacifie les choses. Il y a donc des Iroquois qui sont extrêmement pacifiques, d'autres qui sont entre les deux. Et évidemment, comme ils réincarnent un peu du blanc, ben, ils ont aussi des contrebandiers. Est-ce que... ils vendaient du petit blanc. Est-ce que les Vikings, comme les Vikings étaient ceux qui accompagnaient Les Vikings ont été les transporteurs, c'est ceux qui ont fourni les bateaux. Est-ce que les Vikings ont aussi transmis par imprégnation ou par réincarnation de leur connaissance ou de leur savoir aux Iroquois? Il faut comprendre que la majorité des Québécois sont descendants de la cinquième sous-race de la race mère, donc sont les descendants en majorité de la race teutonique anglo-saxonne. Teutonique, viking, anglo-saxonne, nécessairement, on parle en majorité de l'Angleterre. Donc, effectivement, les Indiens, les Micmac en premier, Algonquins, les Hurons, les Mohawks, puis enfin, finalement, bref, les Esquimaux, les mangeurs de viande crue, c'est ce que ça veut dire, les Inuits, et les autres ont par la suite progressivement été mélangés un peu aux Vikings, et la race anglo-saxonne, puis finalement, les mélanges anglo-saxons, européens, français, etc. Dans les vieux livres, on peut voir que le trésor du Templier est parti d'un village en France, et puis que ça a été déménagé en quelque part en Amérique, au Québec, probablement. Ce village ou cette ville-là est maintenant, à un moment donné, c'était pénible au niveau de l'économie, puis il y a une compagnie du Québec, Cascade, qui est allée là, puis qui a pris le contrôle de la plus grosse usine, donc qui contrôle directement l'économie de cette place-là. qui est la source du trésor du Templier. Est-ce qu'il y a une relation entre le fait que ce soit des Québécois qui contrôlent l'économie? Pourtant, t'as coupé ta moustache, je comprends pas pourquoi tu cherches encore des relations comme ça. Mais... Parce que c'est des gens, c'est des Québécois qui sont en place. Oui, absolument. De toute façon, le peuple québécois est un peuple qui va dynamiser plusieurs choses à l'échelle mondiale dans les années à venir. C'est ce qui est su par la tradition ésotérique, c'est ce qui est su par beaucoup de gouvernements invisibles. On parle des sociétés, des gouvernements policiers surtout. C'est ce qui est su par beaucoup de voyants, de médiums. C'est ce qui a été prophétisé aussi. Le fleur de lys, de l'emblème finalement du roi Richard, devrait normalement s'étendre à l'échelle planétaire et restaurer. On s'attend à ce que ce soit le peuple québécois qui restaure la paix. Donc, on parle nécessairement d'un après-guerre et qui serait les prémices qui engendreraient le millénium, les 13 800 ans de paix. Et le peuple québécois étant un peuple qui a été conservé dans une médiocratie pendant plusieurs années, pour la majorité des Québécois, c'est quelque chose qui n'a aucun sens de penser qu'un jour on sera puissant. Je ne parle pas qu'on aura du pouvoir, on aura de la puissance, c'est autre chose. Le pouvoir, c'est dirigé par l'ego, la puissance, c'est dirigé par l'intelligence. Et effectivement, dans plusieurs domaines, si on regarde au niveau de l'écologie planétaire, c'est à Montréal que se décident les choses planétaires de tous les pays. Hein? C'est la Convention de Montréal. Il y a énormément de phénomènes dans le genre au niveau des désarmements, au niveau du Canada, on pourra nommer plusieurs. Ça part du Québec en majorité. Donc, c'est à peu près logique que des entreprises québécoises qui, pendant longtemps, n'avaient à peu près pas d'espoir de vie, survivaient quelques-unes. Maintenant, les Québécois deviennent de grands entrepreneurs, hommes ou femmes, puis c'est très minime encore. Il y a beaucoup de médiocratie dans le cœur des Québécois. Et à un moment donné, progressivement, ça va s'estomper quand ça sera le temps. Vu que les Québécois ont encore trop d'égo, s'ils seraient trop rapidement certains, s'ils seraient trop rapidement convaincus que ce qu'ils attendent n'est pas si mauvais que ça, ils s'arrangeraient pour que tout devienne mauvais. Que veut dire Mohawk? Iroquois. Irak ou Iroquois, est-ce la même race? Ah ben, c'est bon, la moustache à soi, excellent. Juste au cas où tu fasses répondre par oui ou non, okay, veux-tu élaborer sur ce sujet? Peut-être que c'est la même chose. Je n'ai pas répondu oui ou non. Enfin, je n'ai pas besoin d'élaborer sur le sujet. Donc, tout à l'heure, on a vu que l'Irak était le siège central des califes, les califes étant les personnes qui remplacent Mahomet, Mahomet étant un personnage qui a amené une vision différente de Dieu. Pour Mahomet, Dieu, le Dieu chrétien est le même, le Dieu catholique, c'est le même Dieu. Sauf que Mahomet est le prophète, le véritable prophète, le dernier, le plus puissant des prophètes. Et il y a une problématique, c'est que dans l'un des deux avatars, lequel avatar tu vas dire, on verra, ça c'est l'histoire qui va le dire, lequel avatar. Mais dans le premier avatar, Jésus, par exemple, va dire qu'on doit aimer nos ennemis. Alors que l'autre Mahomet, lui, enseignera progressivement que l'on doit tuer nos ennemis. L'un dira, on va au ciel et on rejoint Dieu si on est capable, si l'on se fait frapper d'une joue, de tant d'autres joues. Alors que Mahomet enseignera finalement que vous ne pouvez aller au ciel que si vous tuez un infidèle et que vous mourrez sur un champ de bataille pendant que vous accomplissez cet acte divin. Alors, ça crée une problématique, ça crée deux choses. Et c'est l'intelligence, donc c'est le phénomène lazaréen. C'est qu'on aura un peuple, un autre peuple, un qui, pour rejoindre Dieu, doit mourir martyr, et un qui, pour rejoindre Dieu, doit tuer. L'imbécile. C'est parfait, ça va finir par faire une terre en droit. Ouais. Alors, donc, il y a une vision particulière qui crée des problématiques. Pour pour une partie de la planète, la seule façon de rejoindre Dieu est de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Et ils se préparent, en majorité, à rejoindre Dieu. Ils veulent aller au ciel. Dieu. C'est logique. Ouais. Inécologique. Mais logique. Donc, Irak-Iroquois, non. Par contre, j'ai expliqué au début du conflit qu'il y avait un parallèle extraordinaire à faire entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Donc, en ce qui se passait avec les Mohawks ici, la façon dont on interviendrait et ce qui se passerait dans le golfe Persique. Hein? Les deux avaient un problème avec le golfe d'Oka, puis l'autre, le golfe Persique. Alors, chacun avait un problème de golfe. Maintenant, il fallait voir comment on jouerait. Et puis, le Québec a très, très, très bien joué. Très bien joué. Ça atténue énormément l'apocalypse de l'avenir au niveau du Québec. Et les gens ne comprennent toujours pas l'idée, parce qu'on se dit tout le temps, on a des forces armées, voyons donc, ça prend à t'éternuer trois fois, puis il n'y a plus aucun genre d'assaut qui fonctionne. C'est vrai, nos forces armées sont là pour remplir leurs engagements avec le pacte du traité de l'Atlantique Nord, avec l'OTAN. Ils sont là aussi pour faire croire aux Américains qu'écoute bien, on vous aide un petit peu. Là, on a envoyé trois bateaux, puis 18 chasseurs. C'est les chasseurs CF-18. C'est ceux qui tombent en temps de paix. Alors, on a envoyé 18 là-bas. Pas de bombe, rien, il y aurait qu'à tomber, puis bon. Ouais, ça paraît bien sur des bateaux. C'est ça, pour protéger les bateaux, j'espère. Je m'en vais aller ailleurs au-dessus du bateau. Mais, en tout cas, ce qu'on doit comprendre, c'est que les forces armées canadiennes ne sont pas symboliques. Le drapeau canadien n'est pas... Tout l'assemblage complet est une matrice égrégorienne qui cumule une énergie qui crée de la puissance. Et il y a deux façons de se battre. Il y a comme les Templiers se battaient, et puis il y a comme les musulmans se battaient. Alors, on avait 10-20 musulmans qui arrivaient en armes de guerre pour attaquer des fidèles. Pour eux, c'était des infidèles, évidemment. Et les Templiers, qui étaient un ordre de moines chevaliers, qui se sont réunis à un moment donné pour préserver les fidèles, parce qu'il y a beaucoup de brigands et d'infidèles, les musulmans, qui les attaquaient lorsqu'ils allaient en pèlerinage en Terre Sainte. Et eux, avec quoi? Ils avaient un bouclier. Sur le bouclier, il y avait un symbole, de l'ordre du Temple, un cheval, une croix, évidemment, un cheval, avec deux cavaliers sur le cheval, un symbole de pauvreté. Pour rentrer dans l'ordre du Temple, il fallait tout donner au Temple. Il fallait que tu tues ton cheval, puis t'embarques avec un autre. Eh oui, c'est ça. Il fallait que tu t'entendes. Le covoiturage, pas de bien. C'est du co-chevalage. Bon. Et les Templiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, lorsque les musulmans s'en venaient, c'est traditionnellement assez connu dans l'ésotérisme, deux ou trois chevaliers du Temple mettaient pied à terre, se plaçaient côte à côte, accolaient leurs boucliers ensemble et pointaient leurs boucliers vers l'ennemi, puis l'ennemi était désarçonné, se ramassait sur le dos. Les chevaux prenaient peur, les chevaux paniquaient, les chevaux hennissaient, kickaient, et c'était la débandade, ça partait de tous les côtés. Il y a plusieurs façons de se battre. Quand on veut avoir la paix entre deux pays, on fait venir les forces de paix de l'ONU, premier pays demandé, le Canada. Il y a plusieurs façons de se battre. En l'occurrence, est-il possible de mener une guerre sanglante sur le territoire canadien? C'est une bonne question parce que l'armée canadienne est la première armée dans l'histoire planétaire qui n'a pas tapoché l'ennemi alors qu'elle avait le pouvoir de le faire, la permission de le faire et l'appui majeur de leur peuple pour le faire. Il y a des forces comme ça. Alors, disons qu'on aurait un envahisseur sur le territoire canadien, comme le Québec. Mais le Québec a souvent été colonisé et tous ceux qui ont colonisé le Québec sont devenus Québécois. Et ceux qui vont coloniser le Canada vont peut-être devenir pacifiques. Il y a des forces que l'humain ne connaît pas, qui sont beaucoup plus puissantes. Et c'est une vérification au niveau d'intelligence. Est-ce que le Canada, est-ce que le Québec, c'est Sodome, Gomorre? Bon, on fait une vérification. Et puis, jusqu'à date, disons qu'il y aurait un affrontement entre les 20 warriors qui restent, puis l'armée canadienne, c'est pas un affrontement entre le peuple Mohawk et l'armée canadienne. C'est bien différent. La majorité sont recherchés par la police et ils ne tiennent pas à se rendre. Bon, c'est différent. On peut considérer que la crise a été désamorcée sans qu'une seule goutte de sang... Bon, il y a eu quelques histoires de barbelés, bon, sur quelques gouttes de sang. Mais c'est quand même pas trop pire. Les gouttelettes. Pas comme les maringouins font. Il y a des énergies qui sont au Québec, qui sont au Canada. C'est le bouclier canadien. Traditionnellement, ésotériquement, le bouclier canadien, c'est, de toute façon, géologiquement, c'est la première terre de surface. La première terre de surface, c'est la terre où est apparu l'humain, de cela quelques millions d'années. C'est la terre qui a récolté les humains lorsque l'hyperborée a commencé à bouger. C'est la terre qui a récolté les Lémuriens lorsque la Lémurie s'est enfoncée. C'est la terre qui a récolté les Atlantéens en majorité lorsque l'Atlantide a été secouée. Et c'est la terre qui maintenant récolte. Encore une fois, la partie indo-européenne. Par réincarnation, vous êtes venu au monde ici. Par immigration, vous allez venir ici. Parce que maintenant, le continent, les autres continents vont aussi, encore une fois, être un peu secoués. Qu'arriverait-il à un individu qui serait pulvérisé au centre d'une explosion nucléaire? Que restera-t-il de ses mémoires et pourrait-il se réincarner quand même? Voulez-vous réellement connaître la réponse? Ah. Deux volets. Pour un individu conscient et pour un individu inconscient. Je suis bien différent. C'est intéressant. Dans une explosion nucléaire, il ne reste plus rien. Ah, donc, en partant, toutes les mémoires expérientielles de l'individu, son âme, son ego, son corps physique, son corps vital, tout est totalement pulvérisé. Il ne reste plus rien. Au mieux, une photographie sur eux. Le feu, plus aujourd'hui, mais le feu brûlait le corps vital avant, et brûlant le corps vital, il attaquait la majorité de l'énergie astrale, de la mémoire. Donc, si on retourne, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ans, vous brûlez dans un incendie, vivant, vous ne vous réincarnerez jamais, c'est fini. C'est pour ça qu'on faisait brûler les sorcières? C'est pour ça qu'on faisait brûler les sorcières, les sorciers, vivants, pour garantir qu'ils ne pourraient pas venir hanter les tortionnaires. Voilà. Ça n'a pas marché, tu t'es réincarné? Ah, ben moi, je me rachissais. Bon, cyanure. C'était mort avant de brûler. L'énergie nucléaire est l'énergie maintenant la plus près du corps vital. C'est d'ailleurs pourquoi elle aura une incidence majeure sur la génétique. Le corps vital, c'est de l'énergie intra-atomique, c'est l'énergie qui maintient la forme, la mémoire des molécules. C'est ce qui maintient d'ailleurs la mémoire au niveau des particules subatomiques, la mémoire des molécules, la mémoire des cellules, la mémoire des corps. Et vu que nous sommes des êtres croissants, nous avons la capacité d'absorber des aliments, détruire leur énergie vitale, prendre leur énergie et assimiler la forme d'une tomate à notre corps physique, plutôt que de devenir tomate, la tomate devient humaine. Nous avons besoin de notre énergie vitale. L'énergie vitale est l'enveloppe périspiritique qui maintient l'intégrité de l'âme. Une explosion nucléaire vous balaye tout ça. Bon. Un individu inconscient n'aurait jamais existé. Bon. Parce que vu qu'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien, ça n'aurait jamais existé. Tu peux pas chercher nulle part, c'est fini. Pour un individu conscient, quel niveau de conscience, 0 à 10? 8. 8. Il n'est pas dans l'explosion nucléaire. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il ne sera pas là. 5, admettons. 5.23. Il va être en train de sourire pour se sauver de l'explosion qui s'en vient. Alors, un individu qui est conscient, mais qui est mal pris, un héros, hein? Qui est un mauvais romain. À la mauvaise place. Ça, c'est un héros. Bon. Alors, pour un héros... Le héros, il faut qu'il s'en sorte. Ah bon? Un film qui finit bien. Un individu totalement conscient, ce qui va arriver, c'est qu'il va probablement mourir avant l'explosion. Qu'est-ce que je veux dire par mourir? C'est qu'il va probablement fuir par l'ajusteur de pensée. Il est conscient, donc il a un contact avec son intelligence. Alors, il va probablement se suicider par l'intérieur. C'est une mécanique là, qui est un peu longue à expliquer. C'est comme un siège éjectable. Bon, il y en a qui le font avec le corps astral, qui finissent par être totalement autistiques, totalement perdus, finis, plus n'importe quelle entité qui vient là-dedans. Bon. Mais l'individu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fuir par le canal réincarnationnel, il va se réfugier dans son double éthérique. D'ailleurs, c'est un double éthérique qui garantit son immortalité au niveau de sa conscience. Et le corps physique va peut-être rester là comme un goulot, comme un zombie. puis il y aura une explosion nucléaire, le corps sera balayé. Toutes les parties astralisées qui ne font pas partie de la conscience planétarisée de l'individu vont être balayées. Et c'est pourquoi dans le séminaire, souvent, j'explique aux gens qu'une guerre thermonucléaire globale n'est finalement pas un problème majeur pour la création de la race nouvelle, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, parce que l'énergie radioactive nucléaire va renforcer certains corps physiques qui sont capables de supporter de la radiation. On supporte à des niveaux différents la radiation, mais il y en a qui la supportent plus. Cela va en même temps créer une énergisation majeure du corps vital, et cela va faire en sorte, surtout, de balayer la majorité des parties astralisées qui ne sont pas, qui nuisent encore à l'instauration chez l'individu de son être-té intelligente, supramentale, christique. Donc, la guerre thermonucléaire globale, elle a été envisagée dans le passé parce qu'elle est écologiquement, on parle d'une intelligence qui n'a pas de cœur, elle est écologiquement bénéfique pour l'évolution ascendante d'une race humaine. Elle balayera tous ceux qui ne sont pas prêts et elle permettra aux autres de s'en sortir d'une façon convenable, autrement qu'avec 2-3 nez, des boutons, etc. Bon. Par contre, si l'humain a la capacité d'intelligencer l'amour et de rendre plus affectueuse l'intelligence, avoir une intelligence que du cœur, de l'exprimer, de pilonner le monde astral pour que les individus inconsciemment puissent être instruits, de pilonner le monde de la mort pour que les dieux s'abreuvent du pilonnage, pour que les dieux instruisent les fidèles de cesser de casser la gueule aux voisins. Si cela se fait suffisamment, le Canada a été un exemple ces derniers temps, il y en a beaucoup au Québec, ça se fait un peu ailleurs dans le monde aussi, cela est suffisamment puissant avant l'éclatement d'un conflit. L'ONU est une grande, grande masse de pilonnage de ce niveau-là. Alors probablement qu'on pourrait se passer d'une guerre thermonucléaire globale. Alors, il est donc un individu qui est suffisamment conscient, mais insuffisamment conscient pour être ailleurs. Il gagnerait son dôme éthérique, il se réincarnerait ailleurs. Et puis le corps physique s'en irait en lumière, hein, parce que c'est ce qu'il faut dire. Tu es lumière, tu retourneras lumière. Dans le passé, on tuait avec le canon, le feu, la poudre, ta poussière. Dans l'avenir, tu es lumière et tu retourneras lumière. Plus brillant comme avenir. Comment notre double éthérique vit dans le plan moronciel et par quel processus se réincarne-t-il? Double éthérique. On va expliquer avant ce que c'est un petit peu. Même pour ceux qui le savent, des fois c'est bon parce qu'ils ne le savent pas. Lorsque l'être humain vit, il a de l'ego. Son ego, son corps physique, par les voies de crinienne, sécrète, ça sécrète de l'émotion, ça crée de l'émotivité, ça crée des mémoires astrales, ça crée des égrégores, ça crée de l'égrégorisation et ça nourrit le monde de la mort. C'est ce qui se réincarne, c'est ce qui nous charrie, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Les égrégores chez soi sont exprimés sous forme d'habitude, de manie ou de problème. D'alcoolisme, etc. On a aussi des manies qui peuvent être bénéfiques. Mais n'importe quelle habitude devient négative chez un individu qui se conscientise, parce que ce n'est pas lui qui décide. Il ne se rend pas compte encore une fois, puis il se fait charrier par son habitude. L'habitude est bonne, tant mieux. Mais c'est l'habitude qui vit, pas l'individu. Maintenant, un individu qui, à un moment donné, se conscientise, découvre certaines choses, se pose des questions dangereuses. La question fondamentale du pourquoi à n'importe quelle réponse, ça c'est la question dangereuse. Et l'individu qui intelligencie les choses, l'individu qui en aura le bol, l'individu qui, à un moment donné, ne cherche plus dans la tradition, mais cherche quelque chose de neuf, d'autre, donc se conscientise, c'est un individu, ça, qui a la caractéristique d'attirer vers lui de l'intelligence supramentale, donc il a la caractéristique d'attirer son esprit vers lui. L'esprit a souvent été galvaudé. On parlera donc d'espiritualité et non pas de spiritualité, qui est finalement simplement le galvaudage de l'âme, l'idolatrisation de l'âme, recouvrir d'or, adoration de l'âme ou des dieux ou des traditions, des dieux ancestraux, des mémoires et de ces choses-là. La personne qui commence cela devra, à un moment donné, rejeter les lois de l'ère piscéenne, l'ère de l'homme ancien, Et elle devra adopter des lois de l'homme nouveau, des lois de l'ère aquarienne, des lois de l'ère du verso, des lois de l'ère nouvelle. Sauf que parce qu'elle est déchirée par son égo qui a peur de l'avancement et parce qu'elle est attirée par sa conscience qui veut aller vers le neuf, elle se ramasse souvent entre les deux, plus dans le poisson, plus dans l'avenir, donc elle est mal prise. La personne qui vit cela doit vivre certaines choses. Elle doit apprendre à s'anégoïser. La négoïsation, c'est la fonte de l'ego. La fonte de l'ego, c'est une forme d'humilité qu'on a parlé dans le passé, mais l'humilité, on peut s'en vanter. L'humilité, c'est de l'égoïsation aussi. On peut jouer à l'humilité. On ne peut pas jouer à la négoïsation. La négoïsation veut dire sans ego. Plus un individu est transparent avec lui-même, plus un individu est honnête, plus un individu est capable d'appliquer des lois de l'ère nouvelle. On en a parlé lors de la première conférence, les lois de l'abondance, il y a des lois de l'ère nouvelle qui sont typiques. Plus l'individu s'en égoïse, plus l'individu crée un double éthérique. La création d'un double éthérique, c'est la création d'une copie conforme de ce que vous êtes présentement, tel que vous êtes, dans votre intelligence, mais pas dans votre corps physique, parce que votre corps physique est totalement manipulé par de l'astralité, par de l'émotivité qui vous nuit, par des traditions, par des mémoires, par des peurs, par des ennuis, par des stress, bref, par tout ce que vous n'êtes pas, mais que vous exprimez. Alors, il y a un endroit, le plan moronciel, le plan de transition entre la mort et la vie exprimée dans un corps physique, et progressivement, on va créer là un double éthérique. On crée un troisième cerveau, on crée un cerveau éthérique, on crée un cerveau intuitif, autrement que cartésien ou émotif, ce que l'humain a présentement. Émotif, théologique, cartésien, scientifique, mathématique, etc. Et souvent, on a une alliance entre les deux, mais il manque toujours quelque chose. Le cartésien se fie à la mémoire, l'émotif se fie à l'expérience émotive, et le neuf, on ne peut pas le comprendre. On le comprend après s'être cassé les ailes dessus, l'expérience. Il y a l'intuition, mais l'intuition non galvaudée, troisième cerveau, qui est un cerveau éthérique, c'est pas un cerveau dans la tête. On fait un parallèle avec le troisième cerveau. Et à un moment donné, on peut avoir d'autres points de vue. Je peux comprendre un individu parce que je peux adapter son point de vue. Et ça, c'est mon troisième cerveau. Donc, on crée progressivement un double dans l'éther, un double dans l'énergie vitale, un double supramental, un double éthérique, un corps de lumière. Mais là, il n'est pas encore corps. Un double dans le plan moronciel. Et au fur et à mesure qu'on est capable de ne pas chialer quand il pleut, de dire, tiens, il pleut, je mets une imperméable, on met de l'énergie là-dedans. Au lieu de la mettre dans le monde de la mort, on la met maintenant dans le plan moronciel, on crée un double éthérique. L'avantage qu'il y aura, c'est qu'à un moment donné, on pourra ramasser l'énergie qu'on aura mis dans le monde de la mort, depuis des milliers d'années, à des trésors placés au ciel. Un jour, il faudra bien que ça serve. On va aller les chercher, on va finaliser notre double éthérique. Et là, le problème, l'avantage qu'il y a, c'est que si un jour on meurt, on gagne le plan moronciel, on voit le monde de la mort, on n'y va pas, on va vers le double éthérique, on ne meurt donc pas. Et là, on va se réincarner en sachant qui on était. Comment notre double éthérique vit-il dans le plan moronciel et par quel processus se réincarne-t-il? La vie, premièrement, dans le plan moronciel, il faut comprendre que le plan moronciel, le plan éthérique, c'est le plan de la vie, c'est de la vie, c'est uniquement de la vie. Donc, on ne peut pas poser la question, si on pose la question comment il vit, il ne se nourrit pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit qui est constitué uniquement d'énergie. C'est cette énergie-là d'ailleurs qui s'est transférée de corps en corps, de vos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, parce qu'une cellule de votre ancêtre, un spermatozoïde, s'est associée à une cellule de votre ancêtre, un ovule. C'est deux vieilles cellules. Puis ça a continué jusqu'à vous autres. Puis ça continuera d'enfant en enfant. Il n'y a jamais eu de mort au niveau de nos corps physiques. Il y a eu une mort de, disons, 99% de nos cellules. Puis le 1%, ça a été nos enfants. Ils sont devenus grands. 99% sont morts. 1% leurs enfants, puis etc. Ça n'a jamais lâché. La vie ne meurt pas. Comment ça va se réincarner? On en a déjà parlé dans différentes conférences sur la réincarnation. On va en parler beaucoup plus amplement aussi dans les semaines qui vont venir. La réincarnation du double éthérique se fait de plusieurs façons. Brièvement, on peut récupérer notre corps à notre mort. C'est une façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes très, très, très, très avancé, très anégoïque. Ça veut dire qu'on donne une claque dans le visage, vous ne tendez pas l'autre joue, mais ça ne vous dérange pas. Grosse nuance. On vous en donne une deuxième, vous ne tendez pas votre nez. Ça ne vous dérange pas. On vient vous en donner une troisième, vous allez bloquer. Ça ne vous dérange pas plus. On vous en donne une quatrième, vous allez bloquer aussi. Ça ne vous dérange pas plus. Puis vous allez éliminer l'agresseur. Sans l'haïr, en continuant à l'aimer, ça ne vous dérangera pas plus. Vous êtes un égoïque. Vous perdez de l'argent, ça ne vous dérange pas. Vous en gagnez, ça ne vous dérange pas. Vous êtes un égoïque. Alors, disons qu'à un moment donné, un accident d'automobile, c'est très improbable, parce que lorsque l'être humain est suffisamment égoïsé, il devient un centre gravitationnel et il courbe l'espace-temps autour de lui. On parlera de l'homme ou de la femme ou de l'enfant nouveau. Courber l'espace-temps autour de soi, ça veut dire que les événements commencent à être associés et assujettis à votre présence. Vous devenez le foyer attractif. Pas égoïquement. Égoïquement, quelqu'un rentre dans une salle, c'est une vedette, dans n'importe quel domaine, politique, artistique, etc., ou financier. Puis tout le monde la regarde. Elle courbe l'espace-temps des égaux des autres. Tout est centré sur elle. Mais là, vous allez courber différemment. Ça veut dire que les événements vont commencer à être ajustés en fonction de votre passage. Il pleut à la renverse dehors. Vous avez à sortir. Il ne pleut plus. Vous sortez, vous rentrez dans votre automobile, il commence à pleuvoir. Là, quelqu'un va dire, oui, mais sur les toits, sortir à des heures différentes. Bien, il s'est arrêté pendant trois fois, c'est tout. Et plusieurs personnes vont dire, oui, non, ça n'a pas d'allure. Et surtout, les catholiques et les chrétiens vont dire que ça n'a pas d'allure. Puis ils vénèrent les miracles du Christ, eux autres. Bon, ça fait partie de la médiocratie. Dans le passé, on pouvait, pas aujourd'hui. Lui pouvait, pas moi. Bon. Alors, à un moment donné, il va arriver qu'on va être capable, donc normalement, on ne devrait pas mourir d'un accident. Mais disons, vous avez un accident quand même. Vous avez un accident, vous gagnez le plan mort au ciel, le monde de la mort, ça vient vous têter pour vous ramasser. Vous voyez votre double éthérique. Comment vous allez le faire, le savoir en temps et lieu? Vous allez à l'intérieur de ce double-là, et là, probablement que vous allez être capable de vous rapprocher suffisamment de votre corps physique pour pénétrer le corps physique. C'est ce que le Nazaréen a fait lorsqu'on a massacré le corps de Jésus sur la croix. Et là, vous allez investir votre corps, vous allez en faire un corps de lumière, vous allez le digérer, il va totalement disparaître. C'est ce qui est arrivé quand les Romains ont fouillé dans le tombeau, ils n'ont rien trouvé. Une photographie sur une guenille, apparemment, c'est tout. Bon. Mais ils n'ont rien trouvé d'autre, parce que le corps était parti. Et ça, c'est un corps de lumière. Là, vous avez amené avec vous votre corps dans votre monde. L'autre façon, donc, déjà une réincarnation, c'est-à-dire que vous ne vous réincarnerez pas, mais quand vous avez besoin d'un corps physique, il va être là. Ce que le Lazarien a fait aussi. Et il peut même apparaître à plusieurs places. Bon. La réincarnation du double éthérique se fait... Si le dos éthérique n'est pas suffisamment constitué, c'est le corps physique qui va attirer votre incarnation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enfant qui va naître, qui va être génétiquement suffisamment beau, on ne parle pas de son nez, on parle de la capacité génétique qu'il a de pouvoir se mettre à votre service, de pouvoir exprimer votre intelligence. Il n'y a pas le cerveau pour que vous puissiez parler dedans. Quand vous allez dire « il fait beau », lui va dire « il fait bien ». Vous n'allez pas vous réincarner là-dedans. Donc, un corps physique suffisamment beau génétiquement, vous allez simplement aller à l'intérieur de lui. Il y aura des réincarnations qui vont venir aussi. Vous allez les digérer. Et puis, c'est comme ça que le double éthérique va se réincarner. Vous allez vous rappeler totalement ce que vous avez été. Puis, progressivement, vous allez transformer le corps physique. Et progressivement, il vous ressemblera comme vous avez été. Vous n'êtes pas mort. Il y a une autre façon. J'en parle dessus. Merci. Moi, je pose des questions. Si tu en parles, tu fais ça vite. Oui. Vous voulez vous suicider, votre corps physique est en bon état, pas de problème. Un être contrôle vient vous chercher, il vous sort de là, il vous tue. Le double éthérique pénètre votre corps physique, prend votre corps à sa place et pognez vos problèmes, votre argent, votre femme, votre mari ou vos enfants. Mais l'individu qui habite maintenant, votre mari, votre femme, vos enfants, n'est plus celui que vous avez connu. Puis dans 4-5 ans, vous allez vous rendre compte, c'est plus le même du tout. Et même son corps physique va maintenant commencer à changer pour reprendre l'image du corps physique de celui qui est mort avant. Tu meurs d'un accident automobile, une personne veut se suicider, l'aide contrôle vient le voir, on fait un pacte avec. Écoute, à telle heure, etc., là, tu mourras. L'individu est bien content. Pas de drogue, pas de souffrance, pas rien. Il meurt, mais le corps physique, on l'entretient vitalement, il est bon pour quelques heures, et puis toi, tu fais rentrer dedans, puis maintenant, tu continues. C'est l'autre façon. Tu veux une quatrième? Faites vite. Ben, OK, on laisse faire. Une personne ayant un nom identique à celle d'un autre, qui mourra plus tard, attire-t-elle automatiquement sa mémoire? Oui, nos noms nous assujettissent tous les uns aux autres. Les noms doubles, c'est deux personnalités. Et c'est pourquoi l'Église catholique s'est bien arrangée pour qu'on ait tout au minimum Joseph ou Marie sur notre baptistère, comme ça on est plugué à une mémoire collective intéressante. Effectivement, mais il faut comprendre que c'est une goutte dans l'océan. Bon, ça fait que c'est pas la mer à boire. Cette question a déjà été posée, mais sans réponse. Je la repose. Quelle est la signification de l'emblème que l'on retrouve sur le document de l'Académie, tyrannosaure et dôme géodésique? Mais j'ai déjà répondu. J'ai même déjà très bien répondu. Ou la personne n'était pas là, ou elle n'était pas là, ou elle veut que je lui réponde ce qu'elle veut que je lui réponde. Mais elle pouvait ne pas être là non plus. Alors je vais quand même répondre encore une fois. Tyrannosaure Rus Rex, roi des terribles lézards, symbolise simplement toute la misère et la puissance que l'humain a déployée dans le passé. C'est donc la vie de l'humain dans le passé. Le dôme qui est en haut dans une couleur orangée, c'est soit l'air du Verseau, donc le millénium, un air solaire, ou soit un air temporaire pendant une guerre thermonucléaire. À gauche, en bas, on a le noir et la planète Terre. Ça, c'est l'ère spatiale. Donc, le futur, la technologie qui s'oppose au passé, les deux ensemble font ce qui va arriver en haut, au niveau du dôme. Le dôme géodésique est une structure extraordinaire. On ne peut bâtir un dôme géodésique si on n'a pas une très haute technologie mathématique. Cette structure n'existe pas dans le passé. C'est donc la marque de l'intelligence mathématique, mathématisée, et c'est donc un symbole d'intelligence. C'est aussi la seule formation, l'une des rares, en tout cas, constructions humaines, qui peut être d'une envergure extraordinaire et qui ne demande pas de poutre de soutien. Elle se tient par elle-même, comme la conscience de l'humain libre devrait faire, pas avoir besoin de béquilles. Indestructible au tremblement de terre, on sait dans l'ésotérisme que l'humain a toujours bâti ses villes proches de la mer, de la bouche de la mer, la terre, pour que la mer lui parle. Et il y a énormément d'énergie astrale qui est communiquée à l'homme lors des tremblements de terre, et c'est pourquoi l'humain a souvent bâti ses grandes constructions près des centres de tremblements de terre. Alors, le dôme étant insensible aux tremblements de terre, insensible au passé et aux traditions. Le dôme géodésique est structuré à partir d'un pentagone. Le pentagone, il est central, et du pentagone central découlent cinq rayons qui aboutissent à cinq autres pentagones. Entre ça, on a des hexagones. Le pentagone est le symbole 5. 5 qui est la tête et les quatre membres, qui symbolise le contrôle de la tête sur les quatre membres ou le contrôle de l'homme sur les quatre éléments. C'est le symbole de toutes les grandes nations. Chine, il y aura l'étoile à cinq branches. L'URSS, les véhicules militaires, étoile à cinq branches. L'armée américaine, véhicule militaire, et en plus, le centre d'intelligence, le Pentagone. L'hexagone, c'est le chiffre 6, qui symbolise la perfection, qui symbolise la réflexion. Étoile de David, 6 côtés. Triangle, 3 côtés. Alors, on a un triangle positif sur un triangle négatif. L'idée positive sur l'idée négative, réflexion. Le dôme géodésique, donc, est énormément de symbolique. En plus, l'onde de forme du dôme géodésique pacifie et énergise les individus qui sont à l'intérieur. La pyramide, le carré, momifie. La boîte carrée totale, les maisons actuelles, matérialisent, rendent les individus matérialistes et plus bas en énergie. Les Mohawks avaient des tipis pointus, guerriers. Les Hurons avaient des wigwams ronds, pacifiques. Toutes les religions du monde ont une cathédrale, ont un dôme. Mais c'est pas un dôme géodésique. Géodésique veut dire le plus petit chemin dans une courbe. Alors, dans un dôme géodésique, c'est des triangles, c'est des lignes droites, le plus petit chemin dans un arc de cercle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie cela, entre autres. Et c'est la symbolique, surtout, de la cité de Seth. C'est pas la symbolique de l'académie. L'académie, c'est un chevalier. Si dans 20 à 30 ans, il n'y aura plus d'astral à l'extérieur de l'homme, lorsqu'il y aura création d'un corps physique, qu'est-ce qui animera ce corps lors de sa croissance? De l'intelligence, et pour une fois, ça sera vous qui serez dans un corps physique et qui l'animerez. Alors, vous ne serez pas malade, vous n'aurez pas de tachycardie, de bradycardie, d'augmentation péristaltique, tu n'auras même pas de diaphorèse, tu n'auras pas de midriase. Pas de moustache. Ça va être la belle vie, quoi. Si je n'ai rien compris. Ah oui, continue. J'ai compris. Pas de problème. Si je réincarne le talent de peintre d'un individu, est-ce que je pourrais en être conscient, cristalliser et exploiter cette énergie? Oh, absolument, absolument, absolument. On va voir un peu comment on prépare ces réincarnations. Il y a d'autres conférences là-dessus. C'est un sujet qui est très long. Mais c'est évident, absolument évident. Je vais regarder cette question-là pour la fin. C'est une Il y a un de mes amis qui fait tout pour réincarner l'essence d'un pirate qui a caché un trésor sur l'île de Coco. Et parce qu'ils ont cherché le trésor souvent là-dessus, puis ils n'ont pas trouvé. Puis là, à un moment donné, ils voulaient qu'on fasse des voyages astro, des régressions. Ils voulaient aller chercher le pirate, le réincarner pour se taper où il le cachait. C'est une bonne idée. Mais en trouvant le trésor, ça ramasse tout le karma du pirate. C'est pas génial. Il fera appeler sa femme, de me dire. Il est mort, le pirate. Pour ceux qui ont des maladies, des malaises venus se réincarner, comment faire pour s'en débarrasser? C'est comme à peu près n'importe quelle problématique que l'on a. Il y a deux façons de voir le monde, de voir notre vie, de voir les choses. Et que ça va mal, c'est une façon. Et c'est une façon qui est négative, qui est synergisante dans le noir, dans le gris. Bon, elle est encore cassée. Mais oui, elle est encore cassée. Bon, il faut encore la réparer. Mais oui, il faut encore la réparer. L'humain a essayé, à un moment donné, une façon nouvelle. Bon, mais là, qu'on ne sera plus! On peut causer pareil, tu sais, mais on ne causera plus. Puis quand ça fait 40 fois qu'elle ne causera plus, puis qu'elle cause encore, ben là, tu te rends compte que le positiviste t'a eu. Il y a une autre façon, et c'est cette façon-là qu'on devrait appliquer. Qu'on réincarne quoi que ce soit de négatif, qu'on soit charrié par nos propres réincarnations, par notre propre passé, par les événements extérieurs, par un appareil qui ne fonctionne pas, par une crevaison, on devrait continuellement, uniquement regarder en avant. Ce n'est pas du positivisme, c'est du réalisme. Mais un réalisme, non médiocrisme. Alors, à un moment donné, la personne, elle réincarne des choses. Vous devriez toujours travailler pour exprimer ce que vous voulez être intelligemment, ce que vous désirez être. Vous devriez toujours travailler à exprimer uniquement l'intelligence qui tente à déborder par vos oreilles. Ça veut dire que quand on se met à chialer, c'est pas ça. Puis là, on dit, « Ouais, je me fais encore avoir, hein, puis... » C'est pas ça. C'est pas ça! Tu veux que je fasse quoi? Non, rien, laisse faire. Une autre fois, on recommencera. On doit tout faire pour tendre à développer. Alors, à un moment donné, vous réincarnez quelqu'un qui est asthmatique, ou quelqu'un qui avait de l'arthrite ou de l'arthrose, etc. C'est ce qui arrive. Quand on commence à en avoir un âge particulier, on commence à réincarner les choses. Et on doit s'arranger pour exprimer un individu qui est heureux. Pas un individu qui est heureux malgré tout. Pas un martyr. Un individu qui n'est pas malade. Ouais, mais je suis malade. Je t'exprime de la maladie. Ne deviens pas malade en plus. Et ce n'est pas du positivisme, ce n'est pas du faire semblant. C'est d'exprimer plus honnêtement ce qu'on tend à être, plus honnêtement ce qu'on est. Et progressivement, on va créer suffisamment d'expérience dans l'astral, dans notre âme, qu'elle va finir par exprimer ce qu'on lui aura enseigné. La joie, la santé, ces trucs-là. Sauf que si continuellement on exprime, on autorise qu'elle vienne se synergiser dans notre parole, dans notre gestuelle, eh bien, ça crée des problèmes. Alors, même des réincarnations, par exemple, des maladies réincarnatives, il y en a plusieurs, on doit exprimer au maximum ce qu'on est pour ça. Prends un exemple. J'ai travaillé beaucoup avec des enfants qui étaient à Sainte-Justine et qui avaient des tendances particulières à mourir. Bon. Des leucémiques, puis des choses comme ça. Plusieurs de ces enfants n'étaient pas malades. Dans certains cas, on les avait tellement instruits de la maladie qu'ils l'étaient devenus. Bon. Mais dans d'autres cas, leur corps physique était malade. Pas eux. Oui, mais ils ne s'en sont pas guéris de ce cancer du sang. Non. Mais plusieurs, à un moment donné, sont morts. Pourquoi? Parce que ça leur a été tellement long de guérir qu'ils ont préféré mourir puis revenir dans un autre corps mieux fait. Alors, c'est très facile à comprendre. Quand on est rendu adulte, qu'on a vécu longtemps dans un corps qui était suffisamment en forme, ben on doit s'arranger maintenant pour exprimer de la vie dedans. Et ça va régler la majorité des problèmes. Celui qui développe une conscience mentale et progresse en conscientisation sera-t-il totalement dissous comme la majorité? Si oui, à quoi sert l'effort de conscientisation? Si oui, ça c'est un chef indien. Tu connais Conrad, si oui? Pardon. Il se trouve au nom, c'est ainsi, moi, c'est pas. Donc, celui qui développe une conscience mentale et progresse en conscientisation sera-t-il totalement dissous comme la majorité? Vos mémoires, votre expérience, sera dissoute. Mais même la majorité n'est pas dissous. Sauf que la majorité n'a pas la capacité matérielle de conscientiser sa présence. Celui qui développe la conscientisation aura une capacité matérielle, corporelle, de manifester sa conscience. Il sera conscient de sa présence. Et ça, ça ne se dissout jamais. Jamais. Donc, l'individu qui se conscientise le fait à jamais. Ça ne se perd pas. L'individu qui s'en égoïse et qui a un double éthérique le fait à jamais. C'est vers l'avant que ça va continuer. Il n'y a pas de problème. Une célébrité qui se réincarne en plusieurs personnes, comme René Lévesque, lorsqu'elle reprend vie, a-t-elle un karma collectif ou planétaire, puisqu'elle s'est divisée? Lors de son vivant, elle avait un karma. Un karma qui était planétaire et collectif. Et maintenant qu'elle est à l'intérieur de tout le monde, elle continue à avoir un karma collectif et planétaire, sauf que l'individu n'en souffre pas. Je pourrais dire que, premièrement, il faut comprendre, c'est que l'intelligence de René Lévesque n'est pas réincarnée dans le peuple québécois. L'intelligence de René Lévesque, c'est l'intelligence du peuple québécois. Donc, en partant, c'est la même que la mienne, c'est la même que la vôtre. L'expérience de l'intelligence dans le corps de René Lévesque, l'expérience de vie, elle est réincarnée dans la majorité des Québécois. Et les réincarnations collectives de ce genre-là, on pourrait dire que René Lévesque, si par exemple on aurait, on parle de René Lévesque présentement, il y a eu d'autres personnages aussi qui ont été extraordinairement géniaux. Il fumait beaucoup. On s'était restrifié. Parce que s'il n'aurait pas fumé, il aurait tellement plané qu'il n'aurait jamais pu rien faire. Ça me donne une bonne raison de continuer à fumer, si j'en cherchais. Non, dans ton cas, toi, non, il n'y a pas de danger, je peux arrêter. Et si on aurait à béatifier quelqu'un dans une démarche d'évolution d'humanité, René Lévesque ferait partie de ceux qui auraient un bon poste. Il ne souffre pas, il ne souffre plus, il ne souffrira jamais plus. Et Ce qu'il y avait de conscience chez lui, une conscience pas tout à fait exprimée, mais une conscience qui manipulait quand même des structures astrales pour l'obliger à être ce qu'il a été, ben ça, c'est quelque part dans le temps, puis ça attend que le Québec se réveille, c'est tout. Et là, ça va revenir à un moment donné à l'intérieur d'individus qui seront très, très en affinité avec lui. Et on aura l'intelligence de René Lévesque qui, à un moment donné, reviendra, mais il ne luttera plus. Ce qu'il avait à lutter, il le laissait tout le monde, puis lui, mais il est présentement déjà dans un Québec qui a de l'allure. Pas parce qu'il est séparé, qui a de l'allure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui sont séparatistes. Il y a deux choses. Il y en a qui sont séparatistes, bon, c'est une chose. Puis il y en a qui sont séparatistes, bon. Il y en a qui sont séparatistes uniquement parce qu'ils pensent que la seule façon d'arriver à avoir de l'allure, c'est de se séparer. Puis il y en a qui sont séparatistes uniquement parce que la seule façon de vivre, c'est de se séparer. Quand on sera séparé, ben on verra séparer d'autres choses, simplement. C'est de vivre. Des objets, des boîtes de conserve se sont déplacés chez moi dans la cuisine sans que je le voie. Ils étaient empilés une par-dessus l'autre au centre de la table. Le panier de fruits était accroché à la poignée de porte de mon appartement dans l'entrée et la porte était grande ouverte. Quel est ce phénomène étrange? Bon, c'est étrange parce que ça vous arrive pas souvent. C'est de la psychokinésie. Ça s'appelle cela de la télékinésie. C'est ça. Voilà, c'est ce qui est arrivé. C'est pas dangereux, c'est pas grave. Vous n'êtes pas là quand le panier de fruits se promène. Vous n'êtes pas devant son chemin. Il y a des entités qui ont ramassé de l'énergie vitale dans la pièce, puis qui ont commencé à bouger comme on bouge nos corps physiques. Ça fait partie des mécaniques qui vont de plus en plus être présentes dans la conscience des Québécois, dans la conscience de plusieurs humains à l'échelle nord planétaire. Ce sont des mécaniques que vous devrez apprendre à développer à un moment donné. Ça fait partie des résultats secondaires de l'évolution. La personne l'a peut-être fait elle-même inconsciemment. D'autres l'ont peut-être fait. Plus vous allez évoluer, plus vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il y a des petites choses comme ça qui vont commencer à apparaître. Pas dangereux, pas grave. Trouvez ça comique, amusez-vous. C'est sûr qu'à un moment donné, chaque fois que vous faites le ménage, le bordel se réinstalle. Il faudra commencer à mettre un peu d'énergie mentale dans la pièce. Ça fait partie, ça, d'apprentissage qui est un petit peu plus long. On ne peut pas répondre à ça en conférence comme ça. Mais habituez-vous à ce genre de choses. Parce que vous savez que le bien, le blanc, ça fait aussi mal et aussi peur aux égaux que le mal. Sinon, plus. Quand vous voyez un loup vous suivre dans le bois, ça fait peur. Pour beaucoup d'individus, si vous voyez un loup venir, qui ne montre pas les crocs, il s'approche de vous, il fait un petit puis il veut vous licher. Il y en a qui vont être traumatisés plus longtemps dans leur vie que si le loup leur aurait mordu une fesse. Médiocratie avant tout. On comprend qu'un loup nous déteste, on comprend pas qu'un loup nous aime. Alors, faudra s'habituer à ce genre de petites choses comme ça, là, parce qu'à un moment donné, là, vous pourrez même marcher sur les eaux. Pas parce qu'ils vont être trop pollués. Pour d'autres raisons. Si c'est le blanc qui commence à déplacer des choses, au lieu d'attacher frigidaire et laveuse, puis sécheuse, puis... Qui sont les dames d'Avalon? On va être long pour en parler. Tu me passes le reste de tes questions pour en revenir avec. Est-il possible que lors d'un incendie, je meure et qu'un autre être prenne mon corps et le reconstruise? Ce que je ligne depuis l'accident. J'ai ce feeling depuis l'accident. Bon. Premièrement, il faut savoir une chose, tout est possible. Maintenant, oui, dans le cas de l'individu ici, effectivement, il y a quelques entités qui se sont associées et qui ont restructuré suffisamment le corps physique, une partie du corps physique brûlé. Une partie. Et la personne est restée aux prises avec ces entités pendant un bout de temps parce que les entités habitent et ont habité longtemps cette partie du corps. Les entités habitent le corps, colorent le sang qui passe dans le corps, dans cette partie du corps. Et ça crée des problématiques. Comment la personne pourrait se débarrasser des entités? Parce qu'à un moment donné, on finit par se dire, écoute, mes entités sont bonnes. C'est les entités qui parlent. maintenant. C'est évident qu'ils sont bonnes, mais c'est eux autres qui parlent. Plus l'individu devient son maître contrôleur, plus il va prendre conscience de ce qu'il est en direction de l'intelligence. Une entité qui vous dit lave-toi les dents, écoutez-la, elle a raison. Une entité qui vous dit lime-toi les dents, écoutez-la pas, elle a tort. Donc, c'est pas grave une entité. Ce qui est grave, c'est quand on leur fait confiance. Elle doit se prendre en main simplement, puis continuer, puis bénéficier du fait que les entités ont fait ça. Peut-être qu'à un moment donné, elle aura des problèmes, des douleurs au niveau des membres reconstitués. Les entités vont peut-être vouloir tirer là-dedans. L'individu peut finir par s'en sortir en forçant le chemin. Je suis moi-même, je suis mon seul maître, et puis merde, c'est moi qui continue. Si on est ramassé par des anciennes mémoires, comment s'en débarrasser? Une mémoire est toujours ancienne. Bon. Comment s'en débarrasser? On revient à ce que tout à l'heure j'ai expliqué. Exprimez donc ce qu'il y a d'intelligent chez vous. Exprimez donc ce qu'il y a d'honnête chez vous. Je ne parle pas d'une honnêteté légale. Exprimez donc ce qu'il y a d'écologique chez vous. Finalement, exprimez donc ce qu'il y a de beau chez vous. Tout le reste anéanti. Ça va être là. Ça va nuire. Ça va vous manipuler. Ça va ramasser l'extérieur, votre famille, vos amis, vos voisins, vos compagnons de travail pour vous ramasser. L'humain, l'humanité a une peur ancestrale de la perfection. Il a une peur absolument archétypale de la beauté, de la pureté, de la transparence. Il en a une peur massive. Et l'intelligence détruit l'expérience, l'intelligence détruit la tradition. Et c'est pourquoi tout ce qui, en gros, constitue nos mémoires en ont une peur bleue. Quand le Christ, à un moment donné, dit qu'il n'est pas venu pour supporter la loi, il est même venu pour briser les choses. L'intelligence vient et elle amène des choses. Quand il dit, dans l'Apocalypse, à un moment donné, même le frère et la sœur s'entretueront, le père tuera ses fils se lèveront contre leurs parents, etc. C'est le bordel total. C'est ce que l'intelligence fait. L'intelligence, elle vient, puis à un moment donné, elle vous dégage de l'attraction des collectivités. Elle crée une centricité dans votre intelligence, sur vous-même. Et tous ceux qui se nourrissaient de votre énergie, ceux qui vous têtaient, vont le refuser. Et à un moment donné, l'intelligence s'installe tellement dans votre conscience que vous ne pouvez plus être des politiciens de l'intelligence. Il n'y aura plus chez vous de demi-mesure entre la réalité et le mensonge. Il n'y aura plus de demi-mesure entre l'intelligence et l'absurdité. Et tous ceux qui vivront de demi-mesure, vous ne pourrez plus les sentir. Et ça va créer des scissions. Des choses qui vont arriver. Le nom ayant une signification génétique, peut-il correspondre à un code? Le nom. Bah, c'est un égrégore. C'est rapidement, très très rapidement. Tu as combien de questions? On est pas mal. Bon, très rapidement, le nom, c'est... Ben, disons que oui, c'est un code. Et ça correspond à une génétique réincarnationnelle, surtout. Et les corps physiques sont ce qui attire ce qui se réincarne. Donc, les noms ont souvent des similitudes au niveau des corps physiques. À Sainte-Justine, j'ai déjà fait un sondage. Puis, pendant une partie de l'été, la majorité des Sylvains présents avaient une jambe de brisée. Ça veut dire, oui, il y a plein de Sylvains qui n'ont pas de jambes de brisée. C'est un fait. Mais la majorité de ceux qui avaient des jambes de brisée, les fémurs, c'est des Sylvains. J'ai toujours dit Sylvain est tourne au vinaigre. Pourquoi affirmes-tu que nous sommes en devenir des Allemands? Non. Nous réincarnons une grande partie du peuple allemand. Nous ne deviendrons pas des Allemands. Nous allons digérer les Allemands. Nous allons ramasser ce qu'il y avait de beau dans le peuple allemand. Qu'est-ce que le peuple allemand voulait? Il voulait créer une race neuve, la race aryenne, purifier le monde. Nous allons simplement réincarner une énergie de beauté. L'Allemagne était capable de beauté depuis longtemps. Sauf que, au lieu d'exprimer de la puissance, elle a exprimé du pouvoir. L'intelligence est devenue américaine à un moment donné, puis elle a planté le pouvoir allemand. Toi, Daniel Kemp, qui es-tu? Nationalité allemand. Point d'interrogation. Non, vu que c'est au Québec que ça va se passer, je me suis arrangé pour l'être au Québec. Je suis donc québécois. Comment fait-on pour changer des mémoires de notre ego et comment neutraliser les mémoires d'un être aimé, décédé, qu'on ne désire pas garder? Très rapidement. Vous savez, quand on a beaucoup de questions puis on répond pas toujours en conférence, deux jours de temps, vous pouvez me les poser les questions. Puis là, je prends le temps de répondre. C'est pendant le séminaire. Alors, ici, comment fait-on changer les mémoires de notre ego? Ne pas les laisser s'exprimer, pas les refouler. Quand elles sont là, les conscientiser, puis volontairement exprimer autre chose. Quand on est conscient, on ne refoule pas, on mute, on transmute. Comment neutraliser? Il y a la chirurgie astrale, il y a d'autres techniques, là, mais c'est un peu plus compliqué. Comment neutraliser les mémoires d'un être aimé décédé? Premièrement, s'arranger pour changer tout autre de forme de la maison, ses vêtements, sa musique, changer l'atmosphère. Il ne viendra plus planer dans une atmosphère qui n'est pas une atmosphère qui l'attire. Ça va aider. Quand on pense à lui, immédiatement on se débranche, on chante une musique dans sa tête, mais pas son morceau favori. Et on fait d'autres choses. Progressivement, on va se dissocier de ses mémoires qui reviennent. Ça ne veut pas dire que l'individu est mauvais, ça ne veut rien dire. Hein? Comprenez bien, moi je peux aimer quelqu'un, puis ne pas vouloir qu'il se réincarne chez moi. Donc, la personne, elle peut très bien agir en étant extrêmement respectable de l'individu en question. À chaque fois que je médite, des pensées violentes me viennent à l'esprit. Comment éliminer ces perturbations? Votre système de méditation n'est pas le bon. Changez de système de méditation. Puis si la même chose se produit? Il n'est pas le bon. Changez de système de méditation. Question idiote, réponse semblable. Non, réponse intelligente. Comment un être humain peut-il contrôler son corps mental? Ça dépend ce qu'on entend par être humain. Parce que si on entend par être humain, notre ego, jamais il ne pourra. Il le fait qu'en tant que le corps est un corps intellectuel. Quand le corps devient mental, c'est votre intelligence qui va le contrôler. Comment ça se fait? En développant la parole. Uniquement en développant la parole. La parole ajuste la pensée, elle énergise le mental, donc on doit apprendre à avoir une parole juste, avoir une parole mentale. Très long à expliquer présentement, mais écoutez quelqu'un qui a une parole émotive, vous allez voir des nuances. Il y a des paroles émotives têteuses, des paroles émotives qui donnent, des paroles émotives qui sont décentrées laryngiquement, vers l'arrière ou vers l'avant. Une parole mentale, c'est une parole qui ne nous nourrit pas émotivement, mais nous énergise. Quand on développe la parole mentale, on développe son corps mental et progressivement, on contrôle toute la mécanique. Quelles sont les fonctions de l'ange de feu? Sa fonction est de laisser une trace, très rapidement encore une fois, c'est une question qui est un peu d'envergure, de laisser une trace dans la conscience astralisée des humains pour que les humains n'oublient jamais qu'ils ont une provenance au-delà des phénomènes spirituels. Donc, pour que l'humain garde toujours chez lui l'idée de s'en sortir. Les couleurs vert et jaune dans le corps éthérique veut dire quoi? Dépendamment où le vert est placé, grosso modo, ça ne sert à rien de le savoir, mais disons que le vert, normalement, est une caractéristique que l'individu a la communication, à l'enseignement, à l'énergisation émotive. Le jaune, dépendamment où il est placé, l'individu a la caractéristique spiritualisée. Il est capable de spiritualité, capable d'amour, capable de compassion, capable de communication. Ça n'est pas toujours où encore les couleurs sont placées et si les couleurs sont belles. Le meilleur moyen pour développer son troisième œil? Un clou. La technique Black & Decker. Développer le troisième œil, évoluez sur vous-même, anégoïsez-vous, devenez heureux. Tous les symptômes secondaires d'évolution, vous aurez besoin, viendront bien en temps et lieu. Mais le problème, c'est de développer le troisième œil, on commence par développer un œil. Pouf, on a un œil, on voit, on n'a pas de paupière dessus. Ceux que je connais qui ont développé leur troisième œil en ont souffert longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour dormir, puis ils voient encore tout. Pas de paupières. Et comment on ferme le troisième œil maintenant que je l'ai ouvert? Il y a bien des façons. Mais moi, je considère ça comme étant des résultats secondaires, comme au niveau de la structure du programme de contrôleur, le PMC. Il y a des individus qui l'ont développé. Mais ça s'est donné que c'est apparu lorsque c'était nécessaire. La paupière était avec. En travaillant uniquement sur ce qui est fondamental. Eux. Question facile. Mohamed a rencontré Dieu. Qui est Dieu? En 2 minutes. En 2 minutes, c'est un Dieu créé à l'image et la ressemblance de l'homme, pour l'homme. Et c'était l'accumulation de tous les désirs inconscients de l'humanité, comme d'ailleurs toutes les divinités rencontrées par les humains. Le Christ a une autre provenance. Et ce sont des égrégores, donc, qui vont donner à l'homme le support légal que l'humain, dans la loi matérielle, ne peut plus supporter. Alors, l'humain faisait des guerres pour réunir de la matière, puis à un moment donné, l'humain veut continuer à faire des guerres, l'humain ne peut plus faire des guerres, l'humain est évolué. Et l'humain va rejeter de chez lui ce besoin de faire la guerre. Et tout ce qui est rejeté par l'humain crée des égrégores. Et à un moment donné, l'égrégore descend et il se prétend Dieu. Et il dit à l'humain, maintenant, tu vas faire la guerre, mais c'est une guerre sainte. Ou encore, maintenant, tu vas faire ceci, faire cela au nom toujours de Dieu. Il y a eu du massacre au nom de Dieu dans n'importe quelle des religions. Alors, c'est simplement ça que lui a rencontré. J'ai des amis qui sont quotidiennement en contact avec des groupes d'entités qui prétendent venir d'un autre plan que celui des humains. Après avoir suivi leurs instructions, ils vendent leur maison et quittent leur famille pour s'installer dans la région de Magog. Ces entités leur disent qu'ils auront une mission à accomplir prochainement. Je trouve cela renversant. Qui sont-ils? Ils disent que vous, Daniel, êtes ici pour semer la confusion. Exact. Et c'est ce que je dis de temps en temps. Ces entités viennent de fourrer totalement vos amis. On ne doit jamais être missionné. Missionné veut dire, c'est comme si par exemple, vous avez besoin de vivre des émotions, vous me missionnez, puis maintenant mon corps vous sert. Et c'est ce qui va arriver à ces entités. Et il n'y a aucune entité qui va aimer Daniel Kim, pour la simple raison que Daniel Kim est capable de tout les déshabiller, de définir totalement leur mécanique, puis je pourrais même rencontrer ces individus pour leur donner les mots-clés pour que les entités s'éparpillent et les abandonnent. Alors nécessairement, on ne m'aimera pas. Et alors, ces personnes-là ont vendu ci, ont abandonné cela, etc., etc., et s'ils ne se réveillent pas dans leur intelligence à un moment donné, ça peut finir atrocement mal. Je vous souhaite que ça finisse bien la semaine. Souhaitez une bonne fin de semaine et vous invitez à la semaine prochaine pour la conférence. Quelle sera votre prochaine réincarnation? Bonne fin de semaine.